Cargo Cult, aujourd'hui, fait honneur à une femme formidable, Lizzie Mercier Desclous. Lizzie Mercier Desclous, ah, bah nous revoilà de plein pied dans le mythe No Wave. On en a déjà parlé hein, dans les colonnes de Cargo Cult, et spécialement avec l'autre égérie new-yorkaise en place, hein, sur la dite No Wave, en l'occurrence Lydia Lunch. Et on avait exposé ici avec Delis son tout premier album, le fameux Queen of Siam. Mais donc oui, il y avait d'autres égéries, il y avait deux égéries, on peut le dire, de cette No Wave, de Rennes, et Lizzie Mercier Desclous y est pour beaucoup. Alors elle a probablement moins, hein, comment dire, elle a moins brillé dans le sens où elle a été probablement moins sulfureuse, moins sexualisée que Lydia Lunch, mais absolument aussi importante. Et d'ailleurs, elle était extrêmement proche et évidemment, elles étaient signées par le même label. On le sait bien, la dite No Wave, et je ne peux pas empêcher de mettre la dite par-dessus le mot No Wave. Dites-le-vous une bonne fois pour toutes, le label, la labellisation No Wave, elle est plutôt posthume que contemporaine du mouvement, quand bien même il existe bel et bien. Mais il n'y a pas chez les disquaires de bac labellisé No Wave à la fin des années 70, c'est faux. Pas plus que des labellisations Mutant Disco comme on le voit maintenant. Alors ce qui ne veut pas dire que ces labellisations soient inutiles, au contraire, elles permettent de décrire finalement une époque et puis elles ont le bénéfice de pouvoir permettre de ranger et d'indexer sa discothèque. Donc effectivement, ça fait sens. Mais la No Wave, rappelons-le, c'est... Bah, elle s'exprime et elle s'émancipe sur les cendres encore complètement brûlantes du punk. Et elle va faire feu de tout bois pour le peu. Et justement, aller chercher dans des musiques pas strictement rock toute une forme d'inspiration et surtout être concomitante avec plein d'art connexes. Et en ce sens-là, tout ce qui va se passer en cette toute fin des années 70, hein, mais ça commence même au milieu quasiment, qu'on converge vers des expressions comme celle qu'on a labellisée New Wave, No Wave, la plus intéressante. Dans le No Wave, d'ailleurs, c'est pas le mot Wave qui est important, c'est le mot No, c'est celui-là qui définit. C'est une musique anti, c'est une musique qui se dresse contre. Il y a de quoi se dresser contre. Alors avant d'être très précis sur l'histoire de Lizzie Mercier Desclous, en tout cas sur le disque, j'en reviens un petit peu sur le label. The Record est très important. Alors The Record, bah, c'est les deux fondateurs sont Esteban, Michel Esteban, c'est un Français, ouais, qu'on se le dise. Et puis le deuxième larron, dont j'oublie toujours le nom, Zicla, voilà, Michael Zicla. Donc voilà, l'acronyme du Z et l'acronyme du E pour faire The Record. The Record va être extrêmement important dans tout ce florilège dit No Wave que j'expose et être finalement assez rapidement un des labels les plus rayonnants du genre à la toute fin des années 70. Vont paraître, alors j'avais exposé ce disque avant, le fameux Queen of Siam de Lydia Lunch, très peu de temps avant le Lizzie Mercier Desclous, que je vais évoquer aujourd'hui, donc l'album Press Color, lui, il sort en 1979, sont déjà parus les expressions de James Chance ou James White, avec deux albums sur The Record, ils sont remarquables, et puis ce qui suivra aussi. James Chance et Lydia Lunch campaient un groupe qui s'appelait Teenage Jesus, c'était aussi au cœur de The Record. Et ma foi, The Record avait aussi, ils avaient récupéré John Cale, donc feu Velvet Underground, et vont attraper dans la foulée des expressions aussi contrastes et fabuleuses que Kid Creole and the Coconuts ou le duo Suicide, Alan Vega et Martin Rev, donc, pour leur deuxième album. Voilà, et tout ça sur un même label, tout en passant par des expressions néo-disco et strictement dancefloor, pour le peu assez calibré. Et finalement, vous vous retrouvez avec un label dont l'éventail de production et de genre est absolument rare pour l'époque, quoi. Et à chaque fois avec une véritable exigence. Donc The Record, un label culte à jamais. Et au milieu de ces personnages cultes, Lizzie Mercier Desclous est évidemment un personnage essentiel. Elle est d'autant plus qu'elle est à la base, en tout cas indirectement, à la genèse de la création de ce mouvement et de ce label. Bon, pourquoi ? Parce qu'elle est la compagne, elle est même la femme de Michel Esteban. Michel Esteban, ça ne vous échappera pas, ça sonne très français, c'est français. C'est un Lyonnais. Il y en a qui montent à Paris au milieu des années 70 et il va créer une boutique de disques absolument mythique au cœur des Halles, Harry Cover. Oui, on aimait bien les jeux de mots rigolos à l'époque. Mais Harry Cover, tout, avec son nom débile, a concentré finalement au milieu des années 70 tout ce qui va être en germe, l'expression punk française qui allait très, très rapidement arriver. Quoi. Et ça, c'est un universo, si vous voulez. Une boutique de 10 se créant quelque part, que ce soit à Soho, à Londres, ou bien au cœur de New York, ou bien à Paris, au Halles, va aimanter une population qui va faire la hype, en tout cas, qui va tenter de le faire. Et en France, ça marchera. Ça ne marchera pas aussi bien qu'ailleurs, mais ça marchera. La clientèle de Harry Cover, c'est Patrick Oedlin, c'est les Sticking Toys, Jack No, et Adlib. Donc dans tout ça, Lizzie Mercier-Desclous, elle est déjà là, parce qu'elle est donc la femme, et elle écrit. Et comme Michel Esteban va créer dans la foulée un magazine qui s'appelle Rock News, et qui a marqué, hein, faut pas croire, les premières colonnes punk, vraiment les écrits sur le punk, etc., tel qu'il se passait à New York, et pas encore en Angleterre, donc autour de gens comme Television, comme les primo débuts de Patti Smith, hein, en 75, 76, sont campés et chroniqués dans ce magazine, Rock News. Et ça, c'est important. Pourquoi c'est important ? Parce que Rock News va être en fait le stratagème, finalement, pour franchir le pas et aller aux États-Unis. Et donc à New York, en fait. Voilà, New York. New York, c'est New York, c'est pas les États-Unis. Et spécialement à ce moment-là, évidemment. Lydia Lunch disait New York, c'est le trou du cul de l'Amérique. Mais c'est un trou du cul qui accueillait toutes les expressions, les plus hardcore, tous les artistes à la ramasse. Une ville, alors effectivement, enfin une ville difficile, mais surtout une ville pas chère. Quoi. On pouvait vivre à downtown pour pas un rond. D'où cette expression, effectivement, typiquement no wave ou post no wave du downtown new-yorkais qui a fait date. Et ça concerne pas seulement la musique. Hein. Basquiat vient de là, les arts chorégraphiques énormes viennent de là. Et puis quelques temps avant, bien sûr, tout l'art minimaliste, cette musique post-classique, le minimalisme tonal exprimé par toute une filiation américaine qu'on connaît bien. Donc, effectivement, ça se passe à New York. Le couple Esteban Desclous en a plus que conscience et ils y vont. Ils y vont, puis ils tombent bien tout de suite. Ils ont cette étiquette très, très française qui, d'un couple plutôt moderne, libéré, sexy et libéré. Et ils vont très vite rencontrer un petit peu l'essentiel de cette map du downtown new-yorkais. Ils vont habiter chez Patti Smith, chez Patti Smith en fait, c'est pas chez elle, c'est un loft. À la fin des années 70, les lofts se ramassent à New York, hein, et pour pas un rond, ou en tout cas très très peu cher. Et puis pour peu est-ce que vous ayez du mal à payer la facture de courant, l'électricité, bah vous vous branchez de manière totalement clandestine sur un réverbère qui traîne juste à côté, et puis vous alimentez à peu près suffisamment votre appartement ou votre loft pour avoir au moins un peu de lumière et puis de quoi brancher un ou deux amplis et puis faire de la musique. Parce qu'effectivement, c'est là que ça va se passer, dans les lofts. On va faire de la musique, on va faire de la poésie aussi, on va faire de l'art performance, de la peinture, etc. etc. Lizzie Mercier-Desclous, alors on revient à elle, c'est la poésie, son moteur premier, finalement. Et finalement, pour faire tourner le moteur, le meilleur véhicule qu'il y ait dans ces années-là, et c'est probablement toujours vrai aujourd'hui, bah c'est plutôt que la stricte feuille de papier et des publications, des autopublications, elle en fera d'ailleurs, sinon ça va être la musique, ça va être la musique, et ça va être ce rock, anti-rock, qui fait front, quoi, et qui va permettre des expressions absolument fabuleuses. Lizzie Mercier-Desclous donc, se jette dans le bain très tôt. Et elle rend deux temps. Le premier album dont on parle aujourd'hui, il est en fait annoncé par un maxi qui a été d'ailleurs très judicieusement réédité. Il était devenu super rare. C'est le premier maxi de Rosa Yemen. C'est en fait un tout mini-album, j'oserais dire, parce qu'il y a plusieurs titres. C'est des titres très courts. Il fait 10 minutes, mais il doit concentrer 7 ou 8 morceaux. Quoi. Ce qui est assez concentré. Ça vous en dit long sur la longueur des titres. On l'écoutera dans un deuxième temps. On va passer un moment ensemble. On est jusqu'à 1h30 ensemble. Et les 10 dont je parle sont super courts. Donc on va en profiter pour justement prendre quelques chemins de traverse et voir un petit peu ce qui a pu se passer autour de la sortie que j'évoque là, Rosa Yemen. C'est donc le groupe qu'a fondé Lizzie Mercier-Desclous avec le frère guitariste de Michel Estébon. Vous voyez, comme tout ça, une histoire de famille. Et dans la foulée de ça, l'album qu'on écoute aujourd'hui, alors qui est plus ambitieux dans le sens où il est moins underground, il ouvre vers beaucoup de champs de la pop, y compris le disco, et en même temps, il est foncièrement singulier. Il est minimaliste, j'ai envie de dire, parce que tout tourne autour finalement du même duo, hein, c'est-à-dire une guitare rythmique, il y a une basse derrière pour soutenir un petit peu le truc, la batterie n'est pas très spécialement présente, même si elle est là, il en faut bien, mais ça domine pas plus que ça, c'est même des fois très loin ou pas là. Et au centre, Lizzie Mercier-Desclous. Lizzie, c'est pas une chanteuse, et c'est pas non plus une musicienne. Elle part avec des défauts. Et du coup, elle devient extraordinaire dans sa prosodie, parce que justement, ne chantant pas, elle utilise sa voix comme des... Elle éructe, elle balance des phonèmes comme ça, très brefs, super percussifs, sensuels, plutôt rauque, quoi. Et quand même avec un registre vocal qui dénote complètement par rapport au reste. C'est juste très gentiment souligné par une petite réverbe et il n'y a pas besoin de plus. Donc ça arrive à avoir énormément de simplicité. Comme il y a le frère Esteban qui est derrière, c'est Daniel, hein, DJ Bane d'ailleurs, c'était le nom d'artiste qu'il avait. Il n'avait pas mis Esteban en avant. DJ Bane, comme un DJ. Même, il n'a rien à voir avec un disc jockey. Donc DJ Bane assure la rythmique et donc à Lizzie Mercier-Desclous, donc, d'assurer ses solos, si on peut dire. Alors elle joue de la guitare aussi. Et finalement, elle en joue comme elle chante. Et c'est ça qui est cocasse aussi. Voilà, en balançant comme ça des chorus super brefs, des accords qui ne sont pas dans le ton, juste les petites notes qu'il faut. Et là où la première expression de ce duo, d'abord avec Rosa Yemen, est plutôt singulière, et ensuite elle s'augmente avec l'album Press Color, elle va s'augmenter de références très fortes aux autres musiques, et notamment par le biais de reprises. Et c'est d'excellentes reprises, absolument d'excellentes reprises. Presque alors, la moitié des titres sont des reprises. Deux reprises de Lalo Schifrin, rien que ça. Dont une qui est même meilleure que l'original. Oui, j'ai pas peur de le dire. Ok, ça n'engage que moi. Alors ces deux reprises, c'est quoi? C'est l'ultra classique thème de Mission Impossible. Tung, tung, tung, tung, tung, tung, tung, tung. Voilà, je ne vous fais pas plus, vous l'entendrez en milieu d'album. Et une autre qui est pas un petit peu moins connue, mais qui a un thème absolument superbe, savamment orchestré de Lalo Schifrin, Jim on the Move. Et c'est celui-là qui ouvre le disque d'ailleurs. Voilà. Donc, voilà pour nous mettre un petit peu dans l'ambiance de ce disque. J'y reviendrai peut-être même dès la césure, quand bien même le disque est très très court, et puis on réécoutera un petit peu les pièces maîtresses qu'ont fait un petit peu le parcours de Lizzie Mercier-Desclous à ses débuts, parcours qui croise d'autres parcours, c'est ça qui est finalement intéressant. Ah oui, on commence donc avec ce fameux Jim on the Move. Il est intéressant de situer que il y a eu plusieurs éditions des mêmes disques de Lizzie Mercier-Desclous. Et à chaque fois, avec un track listing différent. Enfin, c'est les mêmes titres, mais playlistés différemment. La réédition, qui date de 2003, date à laquelle Michel Esteban, d'ailleurs, a décidé de réactiver The Record. Le label n'existait plus depuis pas mal de temps, mais il s'est totalement réactivé, avec une hype en retour, effectivement, sur tout ce qui était No Wave. Et là, pour le peu, 20 ans après, dûment labellisé No Wave. Donc en tête de ces rééditions, effectivement, Les Immersés des Clous étaient là, avec donc un tracklisting différent du premier disque. Mais l'album lui-même, quand il est sorti en France et dans la foulée du premier, il a été licencié par Philips Polygram à ce moment-là en France, était différent de la première version, la version donc import. Alors j'ai pris le soin de remettre le disque dans l'ordre. Voilà. Bon, quand bien même, effectivement, le deuxième ordre n'était pas plus abscon que le premier, mais enfin, voilà, remettons le disque dans l'ordre. Et de fait, commençons justement avec cette reprise de Jim on the Move, par Les Immersés des Clous, reprise donc de Lalo Schifrin. On s'en reparle assez rapidement. Bonne écoute, vous allez voir, c'est savoureux. Thank you. margarita. Fin de la première face la plus courte de l'histoire d'un album enregistré. C'est un tout petit peu moins de 10 minutes. On est à 9 minutes 50, c'est rien. Voilà, c'est pas uniquement pour ça d'ailleurs que j'interviens finalement au milieu du disque. On a pris l'habitude dans Cargo Cult d'écouter en général les albums sur leur longueur complète. Mais on va reprendre là justement pour introduire la deuxième face. Avec une reprise qui est probablement la plus intéressante et celle qui aurait dû valoir à Lizzie Mercier des Clous son tube, sans serein d'ailleurs, mais bon, un tube dans une forme finalement underground. Et on y reviendra après, mais le problème de Lizzie, c'est finalement d'avoir été toujours un petit peu assis entre deux chaises, entre une forme de pop musique, voire une forme de variété française, ce qui sera plutôt l'apanage des années 80, et finalement quelque chose de beaucoup plus underground. Mais pas forcément avec l'expressivité super féroce de ses congénères no-wave, proto-punk, post-punk et consorts. Donc, retour sur cet album et l'introduction, parce que ça vaut le coup, c'est une version disco d'un morceau un peu plus mythique aussi de Archie Brown, le fameux The Crazy World of Archie Brown. C'est un album, alors lui, qui mérite d'être culte, et il aura certainement le droit d'ailleurs à ses colonnes d'expression et chronique dans Cargo Cult, ça je le jure, je ne sais pas quand, mais je le jure. Donc en attendant de retrouver, campé ici, The Crazy World of Archie Brown, voilà par Lizzie Mercier des Clous la reprise de Fire, de ce même Archie Brown. Et le morceau est incroyablement fait pour le disco et la version qu'elle en fait. Et peut-être que là encore, on pourrait risquer de dire que la version est meilleure. Elle est à la fois extrêmement putassière, mais elle est totalement assumée. Elle est bien sûr dansante à souhait, hein. C'est la caractéristique du truc. Il n'y a aucune peur dans ce post-punk de fricoter avec le disco. Ça paraît évident de le dire aujourd'hui, mais ce n'est pas si évident en 1979 tout pile. Ça le deviendra peut-être dans la foulée avec les Talking Heads qui, avec Zimbra, vont clairement péter la cloison qu'il y a entre le dance floor et puis une forme de rock indépendant. Mais avant ça, le truc est loin d'être acquis. Donc, qu'on se le dise, cette reprise de Lissi Mercier des Clous, tout commerciale et dansante et finalement assez réjouissante qu'elle soit, elle est aussi, elle annonce une intention qui est beaucoup plus virulente finalement que ça. Donc là, le disque sera légèrement plus long. On va sur 5 titres, dont un inédit absolument superbe. J'en raconterai un petit peu l'histoire sur une vingtaine de minutes à peine. Là, vous reconnaîtrez aussi très rapidement une autre reprise donc célèbre. J'ai déjà un petit peu introduite. C'est le Mission Impossible, le terme de Mission Impossible, donc de Lalo Schifrin. Bonne écoute sur cette deuxième partie du premier album de Lizzie Mercier des Clous. Saved, but it's all going to burn. Do you think you can have it? I never have a garden soul. I never have a garden soul. Getting a tumor. Ooh, I feel the tumor coming out. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a tumor, it's so hard to bear. Give him a tumor. When you kiss me, tumor, when you hold me tight, tumor. Oh, the way I do, 'cause they don't know how to love you my way. Give him a tumor. When you kiss me, tumor, when you hold me tight, tumor. Oh yeah. Oh, through the night. Bless my soul, I love you. Take this part away. Take this arm I never use. Just believe in what my lips are to say. Give him a tumor. When you kiss me, tumor, when you hold me tight, tumor. Oh yeah. Oh, through the night. Bless my soul, I love you. Take this heart away. These arms I never use, just believe in what my father said. Give him a tumor. When you kiss me, tumor, when you hold me tight, tumor. Call my name, 'cause I know you're gonna treat me right. I got a tumor. When you kiss me, tumor, when you hold me tight, tumor. Oh yeah. Oh, through the night. Ooh, ooh, ooh, yeah. Ooh, ooh, ooh, yeah. It's warm here. I think you give a tumor. Nora and Nick Charles. Sur ce fade un petit peu lointain de Charleston que se conclut Press Color. Et encore pas la première édition, le morceau là conclusif qu'on entendait, Hard Ball Bail, est en fait expurgé des bandes et des studios de Bob Plank. Alors Bob Plank, c'est lui qui enregistrait à peu près tous les records à cette époque-là. Hein. Tout le monde était passé un petit peu dans ses mains. Les noms que j'ai cités tout à l'heure, hein, Lydia Lunch par exemple, etc. etc. Et donc, du coup, on a dû. Bah, l'apparition, c'est 2003, hein, juste avant juste au moment de la réédition, du reboot par Michel Esteban, donc de son propre label, The Record. Vous n'aurez pas échappé à une autre surprise, enfin, oui, si on veut, mais reprise, c'était le mot plus exact que je voulais prononcer maintenant, une reprise du Fever de Peggy Lee. Et Fever qui se mute ici en tumeur. Tumeur, est-ce que j'ai besoin de traduire ? Voilà, bon, l'ironie du sort veut que c'est d'un cancer que meurt Lizzie Mercier-Desclous, et très jeune. Elle a moins de 50 ans, elle a 47 ans. Elle meurt en 2004, et plutôt retirée hein, d'ailleurs, elle finira ses jours en Corse. Je ne vais pas parler de ça maintenant, et puis quand j'en parlerai, ce sera sûrement avec un pincement au cœur. Mais je voudrais revenir justement dans peut-être une forme de proto-genèse, alors pour le peu qui est antérieure, mais juste de quelques mois, à peine une année en fait, de l'album qu'on vient d'écouter. Donc, le Press Color, qui va introniser le phénomène. Alors c'est un micro-phénomène, effectivement, c'est une hype presque insulaire de la grosse pomme de New York avec ses bras tendus vers les spots branchés qui peuvent être Londres... Paris, mais aussi quelques coins perdus de la Bretagne, du fond duquel moi j'écoutais ces disques avec plaisir, mais sans jamais toucher véritablement un grand public, à défaut quand même de toucher un vrai public. Et je le rappelle, donc les prémices de Lizzie Mercier-Desclous sous la forme d'un duo sont quelque chose d'assez remarquable à noter. C'est le groupe Rosa Yemen, groupe concept Rosa Yemen, qui est en fait un duo qui associe DJ Bane, mais qui est en fait Didier Esteban, qui est le frère de Michel Esteban, guitariste et musicien doué, hein, qui fait la note où il faut, quand il faut, avec le son. Clairement quelque chose, clairement une patte forte chez DJ Ben. Et bien sûr, le lead confié à Lizzie. Lizzie Mercier-Desclous. J'ai souvenir que cet album avait deux pochettes, et c'est tout simplement parce qu'il est deux maisons de disques. Et ça paraît étonnant parce que c'est la même année, il y a une première édition, c'est la plus rare d'ailleurs, de The Record, avec une pochette en noir et blanc. Une cible comme ça, radar sur une map monde un petit peu disloquée, d'où émet comme ça une onde du centre de laquelle effectivement se pose Royal Yemen. Et la deuxième pochette, elle joue d'un contraste noir et bleu, un bleu très pétant, un bleu Yves Klein, et sur le label Celluloid. C'est amusant et c'est une remarque qui mérite d'être travaillée. Pourquoi Celluloid? Tout comme The Record, sont deux labels qui sont fondés par des Français. Celluloid s'est créé par Jean Caracos. Et c'est un label qui va faire date, absolument. Et s'illustrer peut-être de manière plus forte dans l'électro-hip-hop new-yorkais. Mais aussi signer le premier album solo d'Alan Vega, par exemple. Quoi. Donc voilà des labels phares. Et c'est intéressant de noter que c'est deux Français qui pilotent ça. Avec beaucoup de sagacité et pas toujours beaucoup d'honnêteté. Deuxième chapitre que j'évoquerai peut-être à la fin de celui qu'on consacre aujourd'hui à Lizzie Mercier-Desclous, mais c'est pas, faut s'en rappeler aussi légèrement, en tout cas peut-être même juste le savoir à défaut de s'en rappeler. Je vais vous laisser avec ce mini-album qui était un maxi en fait, ne le présentons pas. Déjà l'album qu'on écoutait, je vous le disais, dans sa version originale est super court, il fait moins de 30 minutes, 28 je crois, c'est ridicule, un maxi en fait cette taille-là. Mais enfin, bon, voilà, c'est pas la quantité qui fait la qualité, c'est une évidence. Bah, même chose pour ce maxi-là, avec 6 titres de Rosa Yemen, mais qui remplissent à peine 10 minutes. Donc je trouve ça intéressant d'avoir une suite comme ça de morceaux. Vous allez voir, la plupart font moins de 2 minutes. Hein. Le plus long fait 2 minutes 03, sinon le plus court fait 57 secondes. Donc voilà, tout se situe au milieu de ça. Et voilà. La proto-genèse, hein, si j'ose cette expression comme ça, est perplée, hein, ce pléonasme évident de Lizzie Mercier-Desclous. Je comprends ses secondes vies après, parce qu'elle n'a pas arrêté d'avoir des vies, et elle n'a jamais éclos complètement, mais elle a toujours brillé. La première vie, Lizzie Mercier-Desclous, Rosa Yemen. Et là, on est en 1978. On se retrouve dans 10 minutes. Puissoir de Pays-Douaf. Stop! Thank you.

Très chouette curiosité, là aussi exhumée des bandes un petit peu de l'époque et remasterisée pour l'édition en fait, du CD en 2003. Birdie Nam Nam, oui, Peter Sellers dans The Party, Birdie Nam Nam. Donc c'est assez amusant ce chaud-froid entre un morceau comme ça, un petit peu inquiétant du point de vue de sa musicalité, de sa rythmique comme ça, et puis ce gag. Qui éternel du Birdie Nam Nam de Peter Sellers qui passe comme ça en boucle. Et voilà, c'est la musique concrète drôle. Lizzie Mercier-Desclours a, je le disais un petit peu tout à l'heure, mais je conviens d'insister là-dessus, elle a eu plusieurs vies. Et elle meurt bien trop tôt. Elle meurt en 2004, quelques mois à peine après la réédition de ce CD. Pas complètement oublié de tous quand même. J'ai été très heureux de voir qu'elle a été le mythe, entre guillemets, Lizzie Mercier-Desclous. Il a été réactualisé, particulièrement en France, à partir de 2016. Il y a une biographie apparemment très chouette qui lui a été consacrée. Je n'ai pas eu l'occasion de la lire. Je promets de rattraper le temps. Mais surtout, j'ai observé que, suite à cette bio, écrite par un Français, le rédacteur en chef actuel de Trax, me semble-t-il, mais je ne suis plus très sûr, il y a eu un relais comme ça, où à France Inter, on a commencé à faire des chroniques sur Lizzie Mercier-Desclous, ceci, cela. Alors au point où on présentait Lizzie Mercier-Desclous comme la meilleure chanteuse inconnue dont vous n'ayez jamais entendu parler. Et du coup, je trouve qu'on finit par pêcher par l'excès inverse. Parce qu'en fait, elle a été très rayonnante, Lizzie Mercier-Desclous. Elle a été cette petite French babe au cœur de New York, autour de laquelle tout a gravité, tout a passé. Elle était au centre d'un truc. Elle a été, je le dis, très rayonnante. Elle a vendu des disques. Alors évidemment, dans un réseau qui était plus que limité. Voilà, mais on l'appelait à peine de l'underground à l'époque. Et puis, sa prétention, personne ne voulait chercher l'overground, quoi. Alors, Patty Smith, ouais, elle le trouvera, même si elle ne le recherchait pas spécialement à l'époque. Donc du coup, j'ai envie de dire que non, Lizzie Mercier-Desclous, c'était pas quelqu'un d'inconnu, absolument pas, quoi. Son aura brillait déjà. Simplement, elle a peut-être pas percé là où elle aurait voulu. Et c'est en tout cas là où elle aurait dû. L'album d'aujourd'hui, donc on écoutait Rosa Yemen, là, 78, c'est tout petit que ce soit, je trouve que c'est un vrai petit chef-d'œuvre, un vrai album en soi, sur 9 minutes. Et quant à l'album original, lui, Press Color, il en faisait 24, en fait, j'ai chronométré, je disais que c'était 29, non, c'est 24 minutes, c'est ridicule. Et la vraie concrétisation du talent de Lizzie Mercier-Desclous, je crois que c'est l'album qui suit juste après, c'est 1981, c'est un disque qui s'appelle Mambo Nasso. Et le chef-d'œuvre, en fait, c'est celui-là. C'est un disque très riche, au sens propre. Il est enregistré à Compass Point, c'est aux Bahamas. Compass Point, c'est les studios de Chris Blackwell, c'est le boss de Island Records. Et là, il y a un album complètement calibré, avec les ingé-sons de chez Island. Island, c'est un label énorme à ce moment-là. C'est un label qui commence de manière strictement dépendante, mais en 1981, Island Records a fait sa fortune avec Bob Marley. Le Bob Marley, rockstar, si j'ai envie de dire, pas le Debbie reggae des origines. Et voilà, et le disque est d'une rectitude formidable. Wally Badarou est aux manettes, à la fois comme musicien et comme coproducteur. C'est un claviériste quand même d'exception, et ça sert parfaitement. Ce phrasé, cette façon de chanter, ces ponctuations rythmiques, linguistiques très très fortes comme ça de Lizzie Mercier-Desclous. Et je pense qu'il y a un disque à garder, c'est celui-là. On a peu de temps, puisqu'on est ensemble jusqu'à midi et demi, si on a peu de temps, on l'écoutera un tout petit peu. Et après ça, encore une incarnation, l'album Zulu Rock, qui est celui qui va pour le peu... New York, c'est fini, j'ai envie de dire. Et Lizzie Mercier-Desclous, toujours guidée et monitorée, finalement, d'une certaine manière, par Michel Esteban, va s'intéresser à l'Afrique du Sud. Ils vont à Soweto. Et là, coup de génie, coup d'arnaque aussi. Découvre le morceau, le tube local de Malatini et de Maotela Queens, et vont signer une version française d'un tube local sous le nom de Où sont passées les gazelles. Et sinon, c'est le seul tube, entre guillemets, populaire de Lizzie Mercier-Desclous. Où sont passées les gazelles ? Cette rengaine était aussi enivrante qu'énervante, souvent le cas des tubes d'ailleurs. Mais elle pose question, parce que d'abord, c'est l'arbre qui cache la forêt, ça, classiquement. Lizzie, elle est poétesse avant tout, et quand bien même elle n'a pas peur d'être sur les plateaux de télé avec cette chanson-là, cette petite icône comme ça, toute dansante sur de la musique africaine, qui vogue à plein le concept de sonomondial, comme on l'appelait à l'époque. Le mot world music n'est pas dans l'air, on parle de sonomondial. C'est Actuel et Radio Nova, à leur début, qui sortent ça. Pour le peu, ça convenait tout à fait à l'humeur parisienne du moment, d'ailleurs. Et au cœur de ça, Où sont passées les gazelles devient ce petit tube dont on dit qu'il est inspiré par un morceau traditionnel sud-africain. C'est faux ! C'est un copié-collé, presque éhonté de l'original. Et l'original est vachement meilleur. Point. Il faut juste l'admettre. Donc, derrière le morceau le plus connu de Lizzie Dénard, c'est Les Clous, finalement, ce n'est pas sa plus grande réussite. Alors que l'album, le reste de l'album, lui, est quand même vachement intéressant. Parce qu'effectivement, il va s'inspirer de musique comme ça, de sono mondiale. Et en allant vers Soweto, ils anticipent finalement un mouvement qui va suivre après. Paul Simon va faire un disque très très intéressant avec des musiciens sud-africains, mais c'est 2 ans après. Johnny Clegg va être une star comme ça qui va mixer le blanc et le noir dans une Afrique du Sud qu'on a besoin et qui n'a pas encore libéré Mandela. En Angleterre, Special Aka va faire un tube assez prodigieux, produit par Elvis Costello et qui s'appelle Free Nelson Mandela. Donc il y a un moment où la map monde world branchée va être sur l'Afrique du Sud et à l'évidence, Lizzie Mercier des Clous et Michel Esteban, qui drivait un peu le projet, ont eu du flair là-dessus, c'est sûr. Voilà, c'est 1983. Et si je parle de cet album, finalement, avec en reprochant finalement d'avoir un tube un peu usurpé, hein, quand même, parce qu'en plus, les créateurs originaux n'étaient même pas crédités sur le disque, quoi. Donc, voilà, c'est toujours un peu douteux, ce genre de choses, et ça a besoin d'être juste au moins montré du doigt. Ça montrait quand même, pour mon avis, une vraie réussite, mais là encore, mal orientée. Donc elle va continuer, notre chère Lizzie, elle va croiser juste après un disque très jazz, Chet Baker. Elle signe un album où Chet Baker est là sur la moitié des titres, mais ça passe pas. Et je trouve ça de 86, celui-là, c'est 86, ouais, c'est un disque pareil comme le précédent, qui va chercher des humeurs comme ça, extra exotiques finalement, mais dans le bon sens du terme, quoi. On sent que Lizzie Mercier des Clous a été bercée par des écoutes de documents ethnomusicologiques de chez Okora, par exemple, quoi, plus que par une stricte sono mondiale, zik la boum, comme elle commençait finalement à se développer à l'époque. C'était le problème de la world music d'ailleurs, c'est qu'elle a trop électrifié et trop produit des choses qui étaient fondamentalement et intrinsèquement ultra authentiques, au plus proche de la trance, et qui finalement sont devenues après des espèces de feux d'artifice réussis ou pas. Et en 88, dernier album de Lizzie Mercier des Clous, qui est à peine, enfin, Suspense, il s'appelle Suspense, mais il n'y en a aucun, et c'est son dernier disque, il ne marche pas, il n'est pas écouté. Et ce n'est pas le meilleur, mais c'est quand même un disque intéressant. Parce qu'en plus, il boucle la boucle. C'est-à-dire qu'il revient aux amours No Wave, parce que c'est un disque qui est produit par Mark Cunningham, qui était le mentor, le fondateur du groupe Mars, comme la planète. Et Mars, c'est un des groupes forts de cette période dite No Wave. Et en fait, sur la mythique compilation qui officialise plus ou moins le nom No Wave, New York No Wave, il y a 4 groupes, dont Mars. Et puis pour rappel, les autres, c'était James Chance ou James White, c'était son nom de James Chance, il y avait Dean & Jesus, et puis l'autre, DNA, le groupe d'un guitariste non moins tordu, qui est Arto Lindsay. Voilà, donc quand bien même le disque n'était pas tout à fait, le disque Suspense de 1988 n'était pas dans ces sonorités-là, il est beaucoup plus domestique finalement, et beaucoup plus varié aussi, il ferme finalement une période. Et à l'issue de ça, Lizzie Mercier des Clous va changer, c'est quelqu'un qui peint, c'est quelqu'un qui écrit, elle va essayer d'auto-éditer son propre recueil de poèmes, il ne le sera pas, en tout cas, il le sera uniquement sur une diffusion strictement confidentielle, voire ultra-intime. Et elle se retire en Corse à partir des années 90. Voilà. J'ai la chance, c'est un souvenir personnel que je peux évoquer, de croiser grâce à une amie commune. J'ai un petit clin d'œil à Sam, comme ça, elle la reconnaîtra, sur une terrasse de Ménilmontant, ma copine avec cette femme, avec Lizzie Mercedes-Clou, que je ne reconnaissais pas. Et elle nous présente. Donc, on prend un petit café ensemble et on discute un peu à la terrasse de Ménilmontant, un jour de printemps, à la toute fin des années 90, quoi. Et c'était assez émouvant. Elle était de passage à Paris, elle était déjà malade, elle était déjà atteinte d'un cancer, et c'était même probablement la raison de sa venue à Paris pour un suivi médical pointu. Évidemment, elle n'en parlait pas, et elle tarde pas très peu de temps après à en mourir, donc en 2004. Quelques mois à peine, la réédition et le reboot finalement du mythe de Lizzie Mercedes-Clou, et par son propre mari, Michel Stéban. J'ai su par notre amie commune, je l'ai vérifié et je m'en attristerai toujours, que Michel Stéban n'est jamais venu sur le lit de mort, auprès de ne serait-ce que passer deux jours ou ne serait-ce que venir une heure, auprès de son ex-femme, de sa femme, qui était en train de mourir. Par contre, il était en train de rééditer ses albums qui allaient marcher beaucoup mieux qu'à l'époque. C'est un élément sordide que... Je commente même pas, je vous le lis tel quel, mais après qu'il était vérifié. Et il y a un New Yorkais d'importance qui, lui, va faire le voyage et va venir auprès de Lizzie Mercedes-Clou. Et c'est le seul qui va le faire. C'est Richard Hell, le fameux Richard Hell de Blank Generation. Et Richard Hell et Lizzie Mercedes-Clou ont une aventure, enfin Lizzie a une aventure extra-conjugale, mais c'était quelque chose d'extrêmement acquis hein, dans le couple Esteban des Clous, hein, pour le peu, ça ne choquait pas. Et il y a une vraie amourette entre Richard Hell et Lizzie Mercedes-Clou. De manière un peu amusante d'ailleurs, cette amourette est traduite, en tout cas elle sert de sujet dans un film. Un film qui s'appelle Blank Generation. Exactement comme l'album mythique de Richard Hell and the Void Void. Blank Generation, c'est le plus grand disque punk de tous les temps. Et vous savez quoi ? C'est le seul disque punk de tous les temps. Blank Generation, qui paraît en 77, mais qui est déjà fait en 1976, va être l'inspiration de deux films qui vont porter le même nom, Blank Generation. Le premier est celui qui est essentiel. Alors, il faut me suivre parce que ça peut paraître compliqué. Le premier et l'essentiel, c'est le film d'Amos Poe qui va donner expression à toute cette scène du CBGB où s'exprime donc Hakim Mieux, Television, Tom Verlaine, Richard Hell, qui était membre de Television avant qu'il y ait un split, et puis tout le reste, hein, du punk, les Ramones, Patti Smith et d'autres, quoi. Mythologie bien connue. Et le film, lui, campe complètement cette mythologie-là. C'est le premier film, d'ailleurs, d'Amos Poe, qui est un réalisateur essentiel dans cette période-là new-yorkaise. Plus tard, en 1981, un autre film très différent et très, très en dessous. Le premier était un documentaire, le second est une fiction, va camper l'histoire donc, de Richard Hell et Lizzie Mercedes-Clou, mais sans la nommer. Ça s'appelle Blank Generation aussi. Ça vaut le coup d'être vu pour la romance et pour quelque chose de très drôle. Il se trouve que Lizzie Mercedes-Clou, son rôle, quand bien même elle n'est pas nommée dans le rôle, est joué par une Française. Et la Française en question, c'est Carole Bouquet. Voilà. Donc Carole Bouquet joue le rôle de la Française un peu jolie. Chose qu'elle fait, elle fait très bien, c'est-à-dire qu'elle n'a pas à jouer. Et Richard Hell joue son propre rôle. Et ça, par contre, c'est très intéressant. Et il est très bon, hein, Richard Hell. Il est très, très bon. Et il est très bon. Richard Hell va laisser tomber la musique assez vite. Hein. Dès qu'il y a un deuxième album des Void Void, il est déjà plus dedans. C'est vous dire, quoi. Et lui, il va se consacrer à la poésie. Et avec une vraie réussite. J'allais dire succès, non. Ça ne marche pas. Vous connaissez un poète à succès, vous ? Bon, non. Mais Richard Hell, il continue sur la lancée. Et ma foi, c'est quelqu'un de persistant et c'est quelqu'un qui est probablement fort en amour parce que en 2004, avant la mort de Lizzie Mercedes-Clou, il va à ses côtés. Ce que j'ai appris bien après, c'est que sur le premier album de Richard Hell, On the Void Void, le morceau de conclusion, Another World, I Could Love You in Another World, est en fait un totalement dédié à Lizzie Mercier des Clous et à leur amourette du moment. Et la première version éditée, enfin, il y a deux versions en fait. Il y a une version de 1977, ouais, j'arrive à le dire, l'album officiel, le fameux Blank Generation. Mais juste avant ça, Another World existe sur Ork Record en 1976. Et en fait, il est dans l'instantané de leur relation à Richard Rael et à Lizzie Mercier des Clous à ce moment-là. C'est d'autant plus touchant bon, qu'ils expliquent que bah, le texte est clair, très beau et très poétique. Richard Rael dit que voilà, il pourra l'aimer vraiment, mais dans un autre monde, et que là, ils vont probablement se quitter, et ses larmes vont vraiment tomber dans 10 ans. Voilà. Et peut-être que les larmes sont tombées en bien plus que 10 ans plus tard, mais en 2004, au moment de la disparition de Lizzie Mercier des Clous. C'est avec ça qu'on va se quitter. Another World, un autre monde, en hommage à Lizzie Mercier des Clous, directement, quand même c'est pas dit clairement sur les pochettes, sur les notes des pochettes, mais c'est quelque chose qu'on a pu apprendre après, et surtout vérifier après, par Richard Rael. Merci d'avoir été à l'écoute de ce chouette programme autour du premier album donc de Lizzie Mercier des Clous, Press Colors, paru en 1979, autour aussi de son maxi 45 tours sous le nom de Rosa Yemen, et puis avec ses quelques pépites de l'époque, No Wave ou No Wave, qui nous régale un petit peu aujourd'hui. À très bientôt. Merci les Pinodeurs. Head wrapped in your head.